Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors, dans le journal de l'histoire ce matin, le Brexit. Ça y est, il est là. Le Brexit est arrivé après de nombreuses péripéties, ses héros révélés, plus ou moins flamboyants. La chaleur de l'ambiance des débats de la Chambre des communes, malgré les trahisons politiques, les frayeurs, les espoirs déçus, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Cela fait si longtemps que l'événement menace d'advenir que tous les sujets ont déjà été évoqués sur l'histoire des relations entre l'île et le continent. De la défiance multiséculaire entre Anglais et Français, de la guerre de Cent Ans à la résistance farouche de De Gaulle à son entrée dans la CEE dans les années 60, des rebelles écossais et gallois aux inquiétudes sur la relance d'un conflit irlandais dont on croyait pouvoir faire le bilan. Heureusement, la plateforme de chercheurs éclairés Actuel Moyen Âge a eu la bonne idée de publier une contribution de Vivien Barrière, historien et archéologue, sur les mésaventures de l'Empire romain sur l'île de Bretagne, une traversée pour un antique Brexit. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dans 3h40 exactement, la caravelle du général de Gaulle atterrira en France. Le voyage d'Angleterre sera terminé. Les étapes triomphales de ce voyage long... Je m'excuse, Monsieur Ferraud. TF, je n'y reviendrai... Je m'excuse, Monsieur Ferraud, je crois que dans votre décompte d'heure au départ, vous avez oublié le décalage d'heure entre Londres et Paris. Alors, je recommence tout, hein. L'île de Bretagne est conquise, mais seulement à moitié, pour le plus grand agacement de l'état-major romain, qui nourrit la région en forces militaires pour dompter ces barbares récalcitrants. Il a fallu deux tentatives à Jules César pour y poser le pied en 55 et en 54 avant notre ère, et bien plus longtemps pour convertir les élites à la culture romaine, sans jamais y parvenir totalement. Tout ça coûte très cher, mais on mise sur les métaux précieux que renferme le sol d'outre-Manche pour se rembourser via la grande inventivité romaine en matière de taxes, d'impôts et de tributs. On mise aussi sur l'installation de vétérans en tant que colons pour montrer l'exemple d'une soumission des plus civilisés à l'autorité de Rome. Parce qu'une fois matées toutes les rébellions qui se relaient, maintenir la paix demande encore pas mal d'efforts et de finances disponibles aussi. Au deuxième siècle de notre ère, l'idée de conquérir l'ensemble du territoire grand-breton est abandonnée et l'armée romaine sécurise la moitié sud de l'île protégée par un mur, le mur d'Adrien de presque 120 km, suivi d'un deuxième édifice, le mur d'Antonin. Mais la distance nourrit de nombreux désirs d'usurpation et les généraux se proclamant empereurs se succèdent, défiant l'autorité de Rome. On n'est jamais mieux trahi que par soi-même. Pour terminer avec ce chapitre, il y a aussi cette histoire de deux Anglais qui ont préféré ne pas imiter leurs prédécesseurs. Eh bien, ils sont en train de traverser la Manche aussi, mais pas en avion. Pas à la nage ou en aérostat ou en ski nautique, non, en lit. Leur navire est un véritable lit. Un bel exemple de l'ameublement de l'époque victorienne, encastrante de longs flotteurs faits de bidons de mazout. Le tout propulsé par un moteur hors-bord de 5 chevaux. Ils avaient promis d'être à Calais à 17h, on les cherche. Mais il faut espérer qu'on les retrouve. J'espère pour eux, oui. Malgré tout, la Grande-Bretagne se romanise et prospère. Une prospérité qui se sait et fait quelques envieux auprès des peuples du Nord. Les Pictes, les Scots d'Irlande, les Saxons et quelques Francs à la recherche d'un peu d'humidité. Rome jette l'éponge et ses représentants quittent l'île sans la défendre, lassés de ces confins qui leur ont donné tant de mal et ne cessent de vouloir leur filer entre les doigts, abandonnant leurs partisans. En 410, Honorius, au nom de Rome, abandonne la province de Britannia. La distance entre la Grande-Bretagne et le continent, c'est l'histoire d'une variable en perpétuel ajustement. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dans 4h40 exactement, la caravelle atterrira à l'aéroport d'Orly. Attends, est-ce que... Minute. C'est Orly ou le Bourget ? Orly. Bon, je reprends. 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1, 0. Merci beaucoup Anaïs. On retrouve tous les liens à voir et à lire, et notamment un lien vers l'article d'Actuel Moyen-Âge sur la page du journal de l'Histoire. C'est sur notre site franceculture.fr.